Le chien. Elle choisit. Un chemisier. La boucherie. Acheter. De la chance. Le chèque. Le chauffeur. Une chambre. Il chante.